Mayday, mayday. Parce qu'on ne sait jamais ce que nous réserve un coup de barre. Donc j'en ai la force, je sais pour mes frères ce que je pourrais faire à bout de bras. Fréquence radiophonique, l'appel est brouillé, la belle dérouillée. Après un coup de pied dans la porte à peine dérouillée. On rentre avec les frères, on rappe en message codé. Les gestes ont remplacé les textes, c'est navre en message codé. En morse un signal crypté. L'espoir, on s'y accrochera encore et encore sans s'y agripper. Les perfides qui ont doublé leurs frères, j'en parle pas car pour cacher les taches de leur traîtrise, ils ont retourné leurs vestes. Mayday, mayday, un appel au secours. On a fait trop de coups, faudrait m'aider à me rappeler ce qu'on a fait l'autre jour. Parce que je roule sur la feuille où je rate des rimes. Pour que mon son tourne sur l'iPhone ou Blackberry. Les frères sont commis d'office et mettent des mots inaudibles. Merde. Et même les flics éteignent les Tokyo Watch. Reste un pirate, d'où la barbe, un soldat pour ma bande. J'suis un mirage pour la bague, j'reste un solvable pour ma banque. Un bâtard, pour les gens sans gloire on ira. L'homme au mille rap, j'écouterai leurs légendes sans vraiment croire au miracle. Appel radio force, trop qu'un geste suffira. J'suis pas costaud, mais si tu causes trop, un set suffira. Un être frère. Pourquoi la mort qu'on vient abomine? Car simplement eux bouffent la vie alors qu'on vient de la vomir. Tout est digne, moi y'a fait dans la soupe est digne. Tartoué comme un chien, le nom de ma team m'édite. Pourquoi contrer-t-il? Envoie des mandats pour les frères au ballon. Je passe sous les feux de la rampe et je m'en bats les frères au talon. Lucifer au talon, comme un boulet pour un dollar à prendre. D'ici la pute s'allonge bourrée alors qu'y'a qu'un dollar à prendre. Bisky, répète ta tessie, que tu prétends terrible. Dis-leur que la 8ème merveille, je la désigne. Tu pétons guéris. Tu n'as pas rogé les codes. Et pour me les faire cracher, faudrait m'arracher les codes. On ne voit que ta bravoure sous l'ours. Je connais celle des miens, appelle radio. Ninja bravoure sous l'ours. Tu n'as pas rogé les codes. Et pour me les faire cracher, faudrait m'arracher les codes. On ne voit que ta bravoure sous l'ours. Je connais celle des miens, appelle radio. Ninja bravoure sous l'ours. Pour qu'elle marque un but, j'shooterai mon ballon dans le centre. Pour mes frères, j'prendrai un couteau dans le ventre. J'me ferai taillader ma race, pas qu'en bras engagé, en chien enragé, j'suis maladé, j'te balafferai la face. Mon plan d'approche, c'est ça passe ou ça casse. Mon point gauche, rien dans la poche, j'attaque ou ça froisse. Touche un père, et j'te fais vivre en enfer. J'donnerai ma vie pour un frère et j'prendrai une balle à sa place. Pour mes amis, j'serai sans merci, je ne doute de rien. Pour la mif, les miens, rien à foutre de tout, quitte à rien foutre de bien. Si j'me balade à la une, mes frères ne seront pas à la deux. À la rue, un aveu, fais pas passer la charrue avant la bœuf. M'importe peu, ce qui m'importe une est changer d'apparence. Pour mes amis, j'veux décrocher la lune et surfer l'avalanche. Faire pencher la balance, pas pour la thune, pas pour faire fortune, mais pour mes potos d'infortune, j'veux garder la cadence. J'm'excuse auprès des frères, j'voulais mieux débuter ma lettre. Ramène du feu, le jerrycan pour je brûler sur cette palette. C'est pas grave, sèche ta larme, j'sais qu'une pute ne sait que chalagre. Ramène le plus d'or de tes potes, j'sors que les gars, j'guess ça là. J'ai que ma vie, mais j'suis prêt à la miser cash. Pour mes frères, j'pèserai la rime, j'irai ramper sur 10 étages. Ces types, c'est pas que ma team, j'sais que leur rime est pragmatique. J'donnerai ma chair à la meute pour que la fin il parle ma clique. Dark comme mes frères, j'te dirai pas que tout ça baisse. La tristesse nous va si bien, donc chaque bâtard est pour sa peine. Ici, on écrit tout ça perd, crois pas que ça remplisse la gamelle. Lui, mes potes, je regrette pas où la première vise la t'amène. Prêt à tout pour mes chers, je me ferai tatouer ma bannière. J'crèverai sûrement de battre en moins, défendant fier dans la tanière. À ceux qui se battent à mes côtés, je les épaulerai à tout y perdre. À ceux disparus avant moi, je dirai juste à tout y frère. Tu n'as pas rogé les codes. Et pour me les faire cracher, faudrait m'arracher les codes. On ne voit que ta bravoure sous l'ours. Je connais celle des miens, appelle radio. Ninja bravoure sous l'ours. Tu n'as pas rogé les codes. Et pour me les faire cracher, faudrait m'arracher les codes. On ne voit que ta bravoure sous l'ours. Je connais celle des miens, appelle radio. Ninja bravoure sous l'ours.